Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là. Cette semaine, émission spéciale sur les prix Triomphe 2019. Alors que j'enregistre cette émission-là, eh bien je m'apprête à aller faire un tour à Ottawa pour le 2 mai, pour le gala des prix Triomphe pour la musique francophone d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, on va entendre du Julio B, j'ai du Pierre Guitare, Chloé Brault, l'album de la semaine, Alexis Normand, son album éponyme. On va entendre également du Damien Robitaille, Georgian B, Jenny René, en instrumental, Vishtin, Sean Ferguson, et de l'Ouest, Étienne Fletcher, Pontex et Suzanne Kennelly. Restez là, je vous reviens bien sûr avec le bloc des Maritimes dans quelques instants. Petit spécial Triomphe 2019, mais juste avant, j'aimerais remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CIFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. Envoi 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission et bien entendu, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdnacommercial@gmail.com. Voilà. Et oui, j'enregistre cette émission de bonne heure, soit lundi, pour être en mesure de partir mercredi à aller au gala des prix Triomphe qui va avoir lieu le 2 mai à 20h. Et j'ai préparé une émission sur les nominés comme tels. Là, on va commencer le bloc des Maritimes avec des artistes qui sont en nomination tout simplement pour la catégorie Album de l'Acadie. On va entendre entre autres les Hôtesses d'Hilaire avec Pousser la note. Il y a Nightcrawler de Simon Daniel, ainsi que Julie Aubé. On va entendre la pièce qui s'appelle tout simplement « Seras-tu là? » Et ça vient de son album, l'album « C'est joie de vivre » qui est en nomination pour l'album de l'Acadie au Triomphe. Thank you. c'est la vraie patente. Il est sur le stage, les caméras dans la face, les lumières qui le blinquent, puis la foule en silence attend. Je le sens nerveux, puis je suis moi aussi. Oh,

B, petit bout de femme, fort intéressante, très sympathique, très belle voix, très talentueuse. Elle joue plusieurs instruments. Elle fait partie des Hey Babies. Et elle a sorti un album solo qui est justement en nomination pour l'album de l'année Acadie au prochain Trior 2019. Et bon, je suis bien fier de ça parce que vraiment, elle est très talentueuse, comme je vous dis, et c'est vraiment une artiste accomplie. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'est c'est quoi les Triors, ben, je vais faire une petite histoire courte, si vous me le permettez. Les Triors, ça a commencé, ça, voilà, vingtaine d'années à peu près. On récompensait les meilleurs produits franco-ontariens. Et bon, ça a commencé avec une dizaine de prix à peu près, là. Et puis, une reconnaissance à chaque 2 ans, là. Et entre autres, pour des artistes qui ont marqué l'entourage de la musique en Ontario français. Le premier étant, bien sûr, Robert Paquette. Donc, mais au fil des 20 années, parce que c'est à tous les 2 ans, ça a progressé énormément. Et tranquillement, pas vite, on en est rendu à ce que ça soit une soirée de reconnaissance, une soirée de célébration de la richesse et la diversité de la musique franco-canadienne, de l'Acadie jusqu'à l'Ouest, jusqu'au Pacifique. Donc, en passant par l'Ontario, l'Ouest, le Manitoba, la Saskatchewan, Edmonton, ben, Alberta, Colombie-Britannique et bien d'autres. Donc, et c'est devenu une grosse affaire, vraiment là, un gala aussi prestigieux que les Junos et à disque de ce monde. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Et c'est géré par l'APCM, qui est l'Association des professionnels de la chanson et de la musique en Ontario. C'est géré avec des partenaires importants, dont Unitv. Il y en a d'autres, là, je ne pourrais pas toutes vous les nommer. Mais quand même, c'est une belle démarche, c'est une belle reconnaissance pour les artistes de la francophonie canadienne qui, moi, ça fait 25 ans à peu près que je fais l'émission. Et laissez-moi vous dire que la musique franco-canadienne, elle a beaucoup évolué. Il y a une belle diversité maintenant, une belle richesse du talent de plus en plus jeunes. Et puis, ça vaut la peine d'encourager ça. Et les Triors, c'est un peu pour ça. On va finir le bloc des Maritimes, si vous voulez bien, avec des artistes qui sont en nomination dans la catégorie découverte de l'Acadie. Artistes ou groupes. Il y a un groupe qui est Marty Peely Roots. Il y a aussi 4 autres artistes qui sont en nomination, dont Julie Aubé. Ça me fait rire un peu parce qu'elle est quand même assez connue avec les Hey Babies. Mais on va entendre de la musique, si vous voulez bien, de différents artistes qui sont en nomination dans Découverte de l'Acadie. Entre autres, il y a Émilie Landry, qu'on va entendre dans quelques instants, dans le Nord, de son album « Être social ». Il y a Pierre Guitard qui s'en vient également avec « Embrasse-moi » de l'album « Tuer la bête le dimanche ». Et aussi, on va y aller avec Chloé Brou, son album « Love », avec la petite chanson que vous pouvez voir, le clip magnifique sur YouTube. Quand on y pense, très, très belle chanson. Mais pour l'instant, voici une artiste que j'adore énormément, Émilie Landry, et sa chanson « Dans le Nord ». Sédentaire et de faire ton ménage, vais te ramasser pour de bon. Je pars à 6h du matin, un post-it dans le salon qui dit je reviendrai pas. Tu peux bien courir, mais tu me rattraperas pas. Je pars en road trip avec ton chien qui est mes appels manqués, t'as jamais été sécure. T'avais le tour de me donner la vie dure, j'ai le vent et le volant. Fini les menaces, j'pars sur une trace, hein, j'pars en road trip avec ton chien. Reste là, ne bouge pas, continue de bûcher les arbres, tu verras, ne doute pas, à force de frapper, tout va tomber. Tout va tomber. Boucan noir, plus d'espoir, où est-ce qu'on va s'en aller? Respirer, pas penser, faire notre vie dans un gros cendrier. Qui est le plus fort quand on y pense? Est-ce que c'est celui avec la dent en or? Qui est le plus fort quand on y pense? Est-ce que c'est celui qui parlera plus fort? Bouteille vide, poisson mort, caviar empoisonné, la mer crie dans le brouillard, est-ce qu'on finira par l'écouter? Par l'écouter, yeah. Oh, reste là, ne bouge pas, continue de bûcher les arbres, tu verras, ne doute pas, à force de frapper, tout va tomber.